Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions sur les philosophies d'Iran diffusées en décembre 2017. Départ immédiat pour l'actualité la plus brûlante, la lumière qui brille en chacun de vous et que vous n'avez jamais pris le temps d'observer. La lumière des philosophies dites orientales, sagement rangées au rayon des clichés, des lieux communs et des idées reçues. Alors quand on ouvre ces livres, qui trouve-t-on ? Sans doute une lumière, justement, indescriptible et puissante, qui ne vous quittera plus jamais. Mais êtes-vous prêt à la recevoir ? Elle est en route sur les chemins de la philosophie, direction l'Iran, en espérant que vous soyez sobre. Papier d'identité, carte grise, permis de conduire. Ok, ok. Approche-toi. Souffle. T'as bu ? Non, pas du tout. Tu te fous de moi ? Ça se voit ta cravate, espèce de sale ordure occidentalisée. Ça suffit, petit. Ça fait 20 ans que je travaille pour ce pays, et tu oses me parler comme ça ? Pardonnez-le. La ferme. Écoutez, je pourrais être votre mère. Quel âge avez-vous ? 15 ans ? 16 ans ? Ma fille en a 13. Heureusement pour toi qu'il y a ta femme, sinon tu serais déjà en enfer. Merci. Mille merci. Allez, monte. On va aller chez toi pour voir s'il y a des bouteilles. Mamie, Margie, quand on arrivera, montez les premières. Je vais essayer de les retenir. Videz toutes les bouteilles d'alcool. Mais comment ? Ne t'oublie pas, ma fille. J'ai l'habitude avec ton défunt père. Tout le temps, il fallait cacher ses tracts. Bah, ils sont où les autres ? Tu parles. Leur arrogance n'a rien d'idéologique. Quelques billets ont suffi à leur faire tout oublier. Dites, vous n'avez pas tout jeté ? Bah si. Eh merde. Bonjour Christian Jambet. Bonjour. Désolé de vous donner la parole après ce mot surprenant. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la chaire philosophie en islam, l'auteur d'un ouvrage très utile intitulé « Qu'est-ce que la philosophie islamique ?» mais aussi « Le gouvernement divin, islam et conception politique du monde » et « La fin de toute chose », suivi de l'épître du rassemblement de Moulla Sadra dont on va parler aujourd'hui. J'imagine que vous aviez vu le film Persepolis quand il est sorti en 2007 de Marjane Satrapi. Oui, oui. Vous avez entendu dès cet extrait, on entend l'opposition la plus caricaturale. L'idée qu'on peut se faire de ce que c'est que l'Orient ici en France, et puis surtout le mot qui est repris de sale ordure occidentalisée, il faut savoir que dans les philosophes qu'on va parler aujourd'hui, chez eux dans leurs textes, on retrouve cette opposition frontale entre l'Orient d'un côté et l'Occident de l'autre. Oui, mais les deux oppositions ne sont pas superposables. C'était très frappant, hein, c'était très intéressant cette citation de Persepolis. Parce que on assiste à quoi ? On assiste à l'usage du couple occidentalisé face à islamisé dans le cadre d'un État moderne, contemporain, qui est une république islamique. Tout ça, aux yeux de nos philosophes ou de nos spirituels iraniens, dont on parlera, serait apparu comme quelque chose d'incompréhensible, d'absolument incompréhensible. Parce que ce qui est en jeu dans cette affaire de police, là, c'est la conformité à la charia, à la loi de l'islam devenue loi de l'État. Alors que pour nos penseurs qui vivent dans des États musulmans, hein, que ce soit bien clair, la question de l'islam ne se pose absolument pas. Ce n'est pas l'islam qui est sans cesse l'objet de leur attention plus ou moins vigilante. Ce qui est en jeu, c'est une autre découpe entre Orient et Occident. Ce qu'ils appellent oriental, à partir de l'œuvre de Sohrawardi, on en parlera, le terme devient quasiment un leitmotiv, c'est ce qui provient du lieu où la lumière se lève, c'est-à-dire de l'origine de l'être et de la conscience. Donc c'est une métaphore lumineuse, vous avez commencé par parler de la lumière, et non pas une métaphore politique. C'est une métaphore métaphysique pour désigner le surgissement de ce phénomène qui est l'existence couplée à la conscience. C'est-à-dire, il n'y a pas d'existence sans conscience, il n'y a pas de conscience sans existence. Tandis que l'Occident, c'est le lieu où le soleil se couche, Maghreb. C'est le lieu, par conséquent, où l'ombre, la nuit, le non-être l'emporte sur l'être. Voilà, donc c'est une topographie spirituelle, c'est pas une topographie politique. Mais on peut mesurer, évidemment, ce qu'a fait l'histoire, en ceci que nous sommes passés d'un temps où les topographies étaient spirituelles, mm-hmm, en un temps où désormais les topographies sont politiques. Mais comment expliquez-vous que ce qu'on appelle la philosophie iranienne et les philosophes iraniens, on va revenir sur cette appellation, parce que qu'est-ce qu'on entend derrière iranien, soit si peu connu en France aujourd'hui? Ça veut quand même dire qu'il y a un fossé entre ce que nous appelons, oui, l'Orient et l'Occident. Voilà, alors ça en revanche, c'est parfaitement exact, et c'est même un fossé qui est, comment dire, permanent. Et on va dire où les deux parties sont pas dire responsables, mais sont les agents historiques d'une certaine forme de méconnaissance. La raison immédiate, empirique, c'est que les auteurs iraniens sont peu traduits. Il y a eu des vagues de traductions de penseurs, de poètes, surtout d'écrivains iraniens au XIXe siècle. Il y a un effort notable pour la philosophie et la spiritualité, en particulier dans le monde anglo-saxon et en France, mais aussi ailleurs, hein, en Allemagne, etc., en Russie, une grande école orientaliste, mais qui ne touche pas spécialement le public à cause de la définition que nous faisons de la philosophie. Donc, la même. Ce qu'on appelle c'est à la fois ne correspond pas à ce qu'ils appellent philosophie. C'est très étonnant. C'est une sorte de divorce bizarre, parce que l'Iran est un des rares pays, alors là je parle actuellement, oui, hein, en tant que nation, où il y a un enseignement obligatoire de la philosophie, comme en France. Donc il y a des parallèles possibles. C'est un monde, le monde iranien plus généralement, où la philosophie est la reine des sciences, liée bien entendu à l'enseignement théologique. Mais exactement comme il y avait un lien philosophie-théologie en Occident jusqu'à une époque récente. Les auteurs se veulent les héritiers des Grecs. Donc il y a un double héritage, l'héritage occidental, l'héritage persan, l'héritage iranien, plus généralement l'héritage islamique. Mais les auteurs circulent de manière étrange. De la même manière qu'au XVIIe siècle en Iran, alors qu'il y avait énormément de présence occidentale, les musulmans, les auteurs musulmans n'avaient aucun souci, ou très peu, si ce n'est pour des raisons de polémique, de notre propre histoire de la philosophie. Mmh. De la même manière, l'Occident, qui s'est beaucoup intéressé aux poètes, aux écrivains, et à d'autres aspects de la religion islamique, entre autres, ont buté, disons, sur la dimension proprement philosophique jusqu'à une époque récente. Et aujourd'hui, tout de même, les choses vont un peu mieux. Mais enfin, il y a aussi le problème de l'accès au texte. Alors, justement, on va y venir et on va entendre un texte de Sohrawardi dont on a choisi de parler aujourd'hui avec Moulay Sadra. On va définir, on va les présenter, hein, savoir qui ils sont, puisqu'ils sont méconnus en France aujourd'hui. Mais avant cela, encore une question en amont pour mieux nous permettre d'entendre et de recevoir ce texte. Y a-t-il un sens à parler de philosophie proprement iranienne ? Écoutez, là-dessus, je ne serai pas très, très... fixé. Il y a un sens à parler de philosophie islamique au sens où le développement de cette philosophie s'est fait en terre d'islam et dans les conditions intellectuelles, morales, spirituelles, métaphysiques fournies par l'islam. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on parle en Angleterre, je ne sais pas ailleurs, d'islamic philosophie, de philosophie islamique. D'autant que c'est la manière dont eux-mêmes, ces penseurs, se présentaient ou ont présenté leur propre maître. Mais il est vrai aussi qu'à partir d'un certain moment, à partir des invasions mongoles au XIIIe siècle et suivant, l'activité philosophique, consciente d'elle-même, s'est concentrée dans le monde iranien. Ensuite, on peut aussi rappeler qu'un pourcentage considérable d'auteurs dits arabes sont en vérité venus du monde iranien. Une figure comme Avicenne peut en témoigner. Avicenne non seulement n'est pas un arabe, mais il a écrit bien sûr massivement en arabe, mais il n'a même jamais connu le monde arabe. Il n'est jamais allé plus loin vers l'ouest qu'Ispahan. Alors tout ça justifie, mais il y a une autre justification. Oui. La justification, c'est qu'à partir de l'œuvre de Sohrawardi dont on va parler, la philosophie a configuré l'âme de l'Iran avec d'autres disciplines. C'est-à-dire que la philosophie devient iranienne, si on peut dire, non pas parce qu'elle s'inscrit de manière nationaliste dans un cadre qui d'ailleurs à l'époque n'existe pas, un cadre national qui attend bien des siècles pour apparaître, mais tout simplement parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le mouvement des idées, le mouvement spirituel qui aide à se configurer une âme iranienne, appelons ça comme ça, une âme de l'Iran, en tout cas une mémoire, oui, comme une on représentation, parle de l'âme russe, par exemple. Une imagination de soi-même, si j'ose dire, du monde iranien. Et ensuite, les choses ne feront que s'approfondir. Donc, en ce sens, oui, il y a une philosophie iranienne. La meilleure façon de présenter quelqu'un, c'est encore de lui laisser la parole. On va écouter tout de suite un extrait du livre de la sagesse orientale, le prologue, donc un ouvrage de Sohrawardi qui date du XIIe siècle. Écoutez ce texte interprété par Yvan Morane et puis ensuite vous entendrez l'émotion qu'a eu David Pargamin à découvrir cet auteur. Écoutez. Pour tout ce dont je vais traiter concernant la connaissance des pures lumières, me sont en aide tous ceux qui ont cheminé sur le chemin de Dieu. Ne t'imagine pas que la sagesse est présente dans cette période qui est proche de nous et qu'elle n'exista pas dans une autre. Non. Le monde ne fut ni ne sera jamais privé de la sagesse, ni d'une personne qui en maintienne dans le monde les preuves et les témoignages. C'est cette personne qui est le calife de Dieu sur sa terre. Et ainsi est-il tant que dureront les cieux et la terre. La différence entre les anciens sages et ceux qui leur ont succédé en des temps plus récents est une différence qui tient au vocabulaire, une différence qui tient également à leurs usages respectifs, soit en exposant directement leurs pensées, soit en la présentant sous le voile d'allusions symboliques. Mais tous ont affirmé l'existence des trois mondes. Tous ont été d'accord dans l'affirmation de l'un. Il n'y a nul problème entre eux quant aux sources des problèmes. Bien que le premier maître, Aristote, ait été un homme d'une grande valeur et d'une autorité éminente, d'esprit profond et d'une rigueur spéculative parfaite, il est cependant inadmissible d'exagérer les hyperboles à son égard, d'une manière qui aboutisse à déprécier ceux qui furent ses maîtres, nommément ce groupe de personnes qui furent les auteurs de livres saints et des prophètes législateurs tels Agathodaïmon, Asclépios et d'autres encore. Autant de noms qui sont restés pour nous inconnus. Alors ce texte est un texte introductif, je l'ai dit, il fait partie du prologue du livre de la sagesse orientale. On trouve un peu plus loin dans le livre, on en écoutera les extraits, des textes d'une poésie incroyable, vraiment bouleversante. Mais dès ce texte, on voit que Sohrawardi s'inscrit dans l'héritage de la philosophie dite occidentale, en tout cas d'Aristote, même s'il prend ses distances avec cet auteur. Et il postule l'idée d'une sagesse qui serait même plus ancienne qu'Aristote lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit ce texte, on se sent à la fois familier et étranger au vocabulaire et aux propos de Sohrawardi. David Pargamin, les auditeurs des Chemins de la philosophie vous connaissent, puisque je dis votre nom en fin de chaque émission. Vous êtes collaborateur pour cette émission et c'est à vous que l'on doit d'ailleurs l'idée d'une série sur l'Iran en particulier. Et vous m'aviez dit qu'en découvrant Sohrawardi, que vous n'aviez jamais lu, vous avez été pris d'une certaine émotion, d'un certain trouble. Ben voilà, exactement, en ouvrant le livre de la sagesse orientale, avec un titre pareil, je ne savais pas tellement à quoi m'attendre, je dois le dire. Et finalement, j'ai trouvé un livre qui parlait de lumière, de connaissance de soi. J'ai même trouvé quelque chose qui ressemblait à une démonstration du cogito avant l'heure de la preuve cartésienne avant l'heure, puisque de l'identité de soi. Et je me suis dit que je n'aurais pas dû être aussi dépaysé qu'on me l'avait dit, ou que souvent on a tendance à le dire. Voilà. Et parce que Sohrawardi nous parle de Platon, il nous parle d'Aristote, sauf que voilà, Platon dans ce livre est un imam. Aristote possède le degré suprême de l'expérience mystique. Et alors je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui devait résister ou qui devait me manquer. Et je me suis demandé si on avait lu le même Platon, le même Aristote. Et j'aurais envie de vous poser la question. Christian Jambet. David Pargamin a-t-il lu au cours de ses études le même Platon que Sohrawardi ? D'abord, Sohrawardi n'a probablement pas lu Platon. Pas plus qu'il n'aura lu d'autres auteurs. Bon. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il dispose de toute une série de collections, d'apophthegmes, de sentences, de textes qu'on attribue à Platon. Bon, il y a la constitution d'une figure de Platon, qui d'ailleurs est d'autant plus belle qu'elle est en grande partie imaginaire. Quant à Aristote, il n'est absolument pas distingué de Platon quant à ses doctrines fondamentales, puisque il passe pour être non seulement un disciple, mais même en parfait accord avec les grandes doctrines, doctrine des idées, doctrine de l'un, etc. Alors dans le texte d'ailleurs qui a été lu, vous avez entendu les points qui forment l'unité, la pérennité de la sagesse. La croyance dans l'unité du principe, ce qui est en plus essentiel pour un auteur musulman, puisqu'au fond, qu'est-ce d'autre que sa croyance fondamentale que celle-là? Et puis trois mondes, probablement les trois hypostases, l'un, l'intellect, l'âme. Bref, pour aller à l'essentiel, c'est un monde de la sagesse grecque tel que les néoplatoniciens grecs et ainsi que d'autres courants de l'Antiquité tardive l'ont fourni à l'islam. En clair, c'est pas vraiment le texte d'Aristote qu'ils ont lu, c'est le texte de Plotin. Oui, alors en clair, c'est bien sûr la version arabe de Plotin, qui est passée en arabe donc, qu'ils ont lu, et puis d'autres textes. De même, Agathodaimon, Asclépios, etc. Bon, ça sont des références au courant hermétiste. Et dans l'hermétisme, il y a eu, dans l'hermétisme grec, et puis passé ensuite dans les mondes chrétiens et musulmans, on a cette thématique de la divinisation de soi, n'est-ce pas? Il s'agit, pour le philosophe, non seulement de devenir semblable à Dieu, comme le dit le Théétète de Platon, mais même de se transformer, de se diviniser. Et on a l'expression, d'ailleurs, dans le prologue de la Sagesse orientale de Sohrawardi. Mais ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est la constitution, voyez-vous, par Sohrawardi, d'une image de la philosophie. Vraiment, c'est pour ça que c'est un texte fondamental. Au sens fort, une c'est image. Un manuel, vous savez, le livre de la sagesse orientale ou le livre de la philosophie illuminative, comme on voudra traduire. C'est un manuel, exactement comme le manuel d'Épictète, comme c'est donner à ses élèves un résumé doctrinal. Et bien là-dedans, il vous dit, un, il y aura toujours de la philosophie, il y en a toujours eu, ou de la sagesse. Hekma. Deux, voilà que les Grecs ont été en accord avec les prophètes et par conséquent nous ne faisons que les continuer et ne croyez pas que c'est une affaire récente, c'est une affaire très ancienne. Et troisièmement, c'est le philosophe, le sage, qui est le calife de Dieu sur sa terre. C'est-à-dire que l'autorité lui revient, non pas une autorité politique, mais une autorité bien plus haute, bien plus grande, parce qu'il est calife, ça veut dire représentant. C'est-à-dire, il est celui qui est le seul digne de l'autorité. David Bargamin, vous vouliez poser une autre question à Christian Jambet ? Peut-être, oui. Je me suis demandé, et c'est peut-être un effet de lecture aussi, de qui vous rapprocheriez-vous, s'il le fallait, Sohrawardi, comme philosophe, comme autre philosophe et comme philosophe occidental ? Parce que personnellement, j'ai tout de suite pensé à Heidegger à cause de cette recherche d'une sagesse perdue, occultée. Ouais. Mais je sais ce que ça vaut. Non, mais ça a été fait. Vous tombez décidément toujours juste. Il y a un bon nombre de professeurs et de savants et de philosophes iraniens actuels qui ont fait ce rapprochement. Donc, je vous assure, il est parfaitement fondé à cause effectivement de cette idée de d'une sagesse autre que la métaphysique instruite par le péripatétisme, par Aristote. Bon, mais non, moi je rapprocherai, vous avez dit tout à l'heure une chose qui est très très juste, il y avait quelque chose comme un cogito, ou en tout cas, sans faire de rapprochement immédiat avec Descartes, il y a en tout cas l'idée, il y a un tournant chez ce philosophe, et l'idée selon laquelle, si l'on veut connaître le monde, l'univers, éventuellement le Dieu et le monde métaphysique, il faut entrer en soi-même. C'est-à-dire qu'il y a déjà un très beau passage où il le dit, il reprend l'adage « connais-toi toi-même », au sens où le soi est le témoignage de la présence immédiate à la fois de l'existence et de la connaissance. Et que par conséquent, s'il y a un point de certitude absolue, c'est cette coïncidence dans le soi. Alors, c'est être conscient de soi. C'est être conscient de soi, et être conscient de soi, c'est ipso facto témoigner de ce qu'il en est de l'être. Et c'est cette présence de l'être à soi-même qui définit d'ailleurs toutes les lumières. La lumière des lumières divines, toutes les lumières, disons, intelligibles, ne sont rien d'autre que des monades, ou des sujets à la fois d'existence et de connaissance. Donc, C'est ce tournant-là, c'est-à-dire passer par l'âme pour aller vers le monde, vers Dieu, etc. C'est-à-dire tout centré sur une philosophie. D'ailleurs, il dit même pas l'âme, il dit la lumière, la lumière régente, la lumière gouvernante. Justement, on va entendre le texte. Qui est essentiel. Voilà, on va justement écouter ce texte du livre de la sagesse orientale sur la lumière. On retrouve la répétition de la lumière, le terme même de lumière qui revient de manière lancinante, on dirait presque une prière. Et un poème, peut-être qu'il y a des points communs avec Descartes, mais en tout cas cette dimension poétique, voire mystique, j'aime prononcer le terme, on va y revenir, le distingue quand même de Descartes. Écoutez la beauté de ce texte, chers auditeurs. La lumière d'un éclair se présente au novice, fulgure, et se replie comme la fulguration d'un éclair délicieux. Souvent l'on entend, en même temps que lui, un bruit qui ressemble à celui d'un tonnerre ou à un bourdonnement dans le cerveau. Une lumière soudaine et délicieuse dont l'irruption ressemble à ce que serait celle d'une eau brûlante sur la tête. Une lumière qui persiste un temps assez long, qui subjugue avec violence et qui s'accompagne d'une sorte de torpeur dans le cerveau. Une lumière extrêmement douce, qui est sans ressemblance avec l'éclair, mais qui est accompagnée d'un état d'allégresse subtile et tendre, étant mise en vibration par la puissance de l'amour. Une lumière qui embrase, se mouvant du mouvement de la puissance qui domine, et, parfois, qui se manifeste par un concert de timbales et de trompettes, chose qui terrifie le débutant, ou bien qui affecte avec force l'entendement et la représentation. Une lumière qui fulgure dans un rapte immense, qui se révèle à la contemplation et à la vue plus manifeste que le soleil, dans une jouissance ravie. Une lumière très éclatante, extrêmement douce. On a l'impression qu'elle empoigne la chevelure, qu'elle la tire avec force et lui impose une souffrance délicieuse. Une lumière en même temps qu'une étreinte. On a l'impression qu'elle est implantée dans le cerveau. Une lumière avec laquelle on se représente une pesanteur que le mystique est à peine capable de supporter. Tout cela, ce sont des illuminations qui se lèvent sur l'âme humaine, régente de son corps. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons des philosophies de l'Iran cette semaine. Et vous venez d'entendre un texte de Sohrawardi, la fin du livre de la sagesse orientale. Nous est décrit une expérience d'illumination, dit Sohrawardi. On est en pleine lumière, c'est-à-dire en pleine connaissance. Et en même temps, on voit à quel point la lumière dépasse la conception qu'on se fait de la connaissance traditionnellement. Est-ce qu'ici, Christian Jambon, on peut vraiment parler d'expérience mystique ? Oui, sans doute. D'ailleurs, je ne songeais pas du tout à comparer Descartes et Sohrawardi, hein, que ce soit bien clair, parce que ça n'a évidemment aucun rapport. Mais il faut bien situer le texte que l'on vient d'entendre. C'est un document que nous propose Sohrawardi, de sa propre expérience, parce qu'il considère, et c'est le point, évidemment, là aussi, où cette philosophie apparaît dans sa singularité, selon lui, les véritables philosophes ne sont pas ceux qui possèdent seulement une réflexion discursive développée, c'est-à-dire la recherche dialectique du vrai, qui est nécessaire, mais qui ont une expérience qu'il appelle « zauk » en arabe, la fruition, le goût, c'est un goût, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il compare cette expérience à l'un des cinq sens, le goût. Il s'agit de goûter. Et alors, ceux qui expérimentent toutes ces lumières ne sont pas les sages les plus accomplis. C'est ça qui est amusant dans le texte. Ce sont, comme il dit, les moyennement avancés. Ce n'est pas les débutants, mais ce n'est pas non plus les sages accomplis. Parce que les sages accomplis sont dans une telle exaltation de la lumière, ils sont au-delà de toutes ces expériences. Mais ces expériences sont décrites avec une masse de détails concrets qui sont des témoignages qui montrent bien qu'il s'agit effectivement d'autre chose que d'une philosophie discursive. La philosophie discursive doit s'accomplir en expérience, qu'on pourra dire en effet mystique si l'on veut, mais en tout cas un contact. C'est-à-dire que la perception de l'intelligible, la lumière, n'est pas une affaire de concept, c'est ça. C'est une affaire d'expérience. Et ça donne un enjeu à la philosophie, d'où le sérieux qu'il accorde aussi à des noms comme Platon. Là, pour lui, Platon, évidemment le sage divin, le divin Platon, c'est quelqu'un qui, dans ses livres, passe pour avoir dit la même chose. Socrate, c'est quelqu'un qui passe pour avoir eu le même type d'expérience. La philosophie est une expérience. C'est un cheminement de la vie, c'est une transformation de la vie, c'est pas simplement un amas de connaissances. C'est ça qui a véritablement produit un effet considérable sur la transformation même de la philosophie en islam. Comme chez nous d'ailleurs, il y a eu des moments équivalents, des retours à la philosophie comme mode de vie, comme expérience, comme transformation du sujet, et donc comme figure du salut, concurrente, bien sûr, de la religion. Mais le choix même du terme de lumière n'est pas anodin, parce que rien n'est plus difficile à définir que la lumière. C'est indéfinissable. Que par définition, d'ailleurs, on ne voit pas. On ne voit que ce qu'elle rend visible. Exactement. Alors, la lumière est ce qui rend visible. Ça nous renverrait d'ailleurs à des textes fameux de Platon dans La République. Mais il y a aussi cette idée que, partant de l'indéfinissable, il faut inévitablement en passer par une expérience. L'indéfinissable ne peut jamais s'absorber entièrement dans le concept. David Pargamin, vous voulez poser une question? Alors, indéfinissable, il commence quand même par donner un semblant de définition, pour ce que j'en ai compris, mais c'est ce qui apparaît et qui se suffit à soi-même dans son apparition. Et je me suis demandé si la lumière devait être prise de manière comme une image ou véritablement comme un concept. C'est un concept, et alors il le dit lui-même, c'est indéfinissable, mais je vais tout de même tenter de vous dire quelques mots, parce qu'il a besoin de postulats. Ses livres sont des livres extrêmement rationnels, construits de manière déductive, et le Hikmat al-Ishraq, le livre de la sagesse orientale, aussi. Mais la lumière, c'est ce qui est en effet autarcique, autonome, c'est ce qui est libre et nécessaire. Moi, je retiens là, pour l'instant, cela. La liberté, ici, est évidemment synonyme d'immatérialité. Ça nous plongerait à nouveau dans le débat sur Occident et Orient. Ce qui est occidental, c'est ce qui est enchaîné à la matière, ce qui est aliéné, profondément aliéné. Tandis que là, la lumière est ce qui est libre, indépendant. Et on voit bien comment le pôle symbolique de la lumière, c'est un symbole extraordinairement puissant, nous propose plutôt une forme d'émancipation. Bon, c'est pas le premier à faire de la lumière la thématique même de la métaphysique. C'est-à-dire toute la métaphysique chrétienne est fondée sur une métaphysique de la lumière. En islam, il y a le verset de la lumière, 24-35. Profondément, la définition de la lumière, c'est que c'est une figure de la liberté. Parler de la philosophie en Iran, c'est aussi prononcer certains termes qu'on a du mal à définir, comme celui de lumière, mais aussi des lieux qu'on connaît peu et qui ont une sonorité très poétique, qui nous invite directement au voyage sans qu'on sache vraiment où nous allons mettre les pieds. Écoutez Henri Corbin vous parler de l'école d'Ispahan. Ispahan, image de l'exaltation dans la solitude. Ces propos d'André Godard permettent une intuition exacte de la cité pensive et magnifique. À notre tour, nous allons pèleriner en esprit parmi ces jardins de verdure, à l'ombre de ces coupoles émaillées. Mais les traces que nous allons y chercher, ce seront celles des maîtres qui ont vécu et pensé dans ces vénérables collèges, non pas tant celles de leurs personnes éphémères que celles de leurs sentiments de l'univers. Car ce n'est pas seulement à l'histoire de l'art, c'est à l'histoire de la philosophie et de la spiritualité que s'impose l'idée d'une école d'Ispahan. Et c'est le secret de la cité de l'esprit que nous voudrions tenter d'approcher. Malheureusement, si l'entreprise est concevable pour le philosophe orientaliste, elle devient une aventure lorsqu'il se propose d'entraîner à sa suite quelque auditeur bien intentionné. Car nous manquons à peu près totalement de travaux d'approche auxquels accrocher un système de référence et de points de repère. De ces hommes, qui furent les contemporains de Descartes, de Jacob Böhme, de Leibniz, dont l'histoire de la philosophie ignore même les noms. Je pourrais citer une vingtaine d'entre eux, ce ne serait qu'une suite de syllabes étranges pour le non-spécialiste. Et pourtant, ce sont les noms des témoins d'une expérience humaine que nous aurions tout intérêt à connaître. C'est en 1957 qu'Henri Corbin prononça ces termes. Nous manquons totalement de travaux d'approche pour découvrir ces philosophes qui, sans ces travaux, ne seraient qu'une suite de syllabes étranges pour les non-spécialistes. Les choses n'ont guère changé depuis Christian Jambet. Et pourtant, Henri Corbin a travaillé toute sa vie à essayer de rendre plus familiers ces penseurs. Oui, enfin, nous faisons ce que nous pouvons, j'ai envie de dire. Oui, et vous, dans son sillage, évidemment. Et plusieurs autres. Il est... Ce texte que vous avez ressuscité, là, de Corbin, d'abord me rappelle que j'ai fait la... Enfin, il m'a guidé à Ispahan, dans ses jardins de verdure, dans ses lieux, dans ses collèges, etc. Donc, il était un guide réel dans un paysage qui n'est pas simplement imaginaire, qui est vraiment l'Ispahan des poètes et des philosophes. Ensuite, il était lui-même à l'aube, bien qu'il fût déjà âgé, hein, mais était à l'aube de parution de livres qui ont transformé la situation. C'est pour ça que je disais, nous faisons un peu ce que nous pouvons. Et une vingtaine de noms, dit-il, là c'est un peu, il a fait beaucoup pour qu'il y ait une vingtaine de noms un peu connus, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que depuis un quart de siècle environ, et peut-être un demi-siècle, tout de même, les auteurs d'abord ont été édités, les auteurs commencent à être traduits, les auteurs ont été rapprochés de ces noms propres d'Occident que prononçait Corbin. C'est-à-dire que ce programme se réalise peu à peu. Ce qu'il laissait entendre, avec beaucoup de courtoisie, c'est que nous ne voulions pas en entendre parler en Occident. Mmh. Et de ce point de vue, il ne prévoyait pas ce qui allait se passer, c'est-à-dire la révolution en Iran. La révolution en Iran a certes permis, parce que les mollahs ont beaucoup fait pour cela, des éditions de textes, parce que les philosophes étant eux-mêmes des théologiens, ils avaient été enseignés à plusieurs personnes qui participaient à ce mouvement révolutionnaire et qui donc étaient intéressées à les publier. Mais en revanche, elle est, à mon sens, la péremption même de cet univers spirituel et philosophique. Vous voulez dire que cet univers spirituel, cette dimension mystique dont nous parlons, a un rôle à jouer dans la contestation du pouvoir politique ? Non, je voulais dire que, pour des raisons empiriques, pour prendre un exemple, l'édition de Molla Sadra en Iran est parrainée, patronnée par un philosophe qui se trouve être le frère du guide de la révolution et qui connaît remarquablement son affaire, le professeur Khamenei. Donc il y a eu évidemment un essor éditorial important. Mais ce que je veux dire, c'est que comme phénomène historique, et sans porter là de jugement politique, mais un simple constat historique, la révolution iranienne islamique, qui a fait entrer à nouveau la politique islamique dans l'histoire, et même en a fait un moteur considérable de l'histoire contemporaine, cette révolution, indépendamment des transformations même du pouvoir politique en Iran, a périmé tout cela. C'est-à-dire que tout ce que visaient ces savants, ces philosophes, des gens comme Mulla Sadra, comme Mir Damad, comme Mir Fendereski, comme bien d'autres, tout ce qu'ils visaient, et précisément, c'est-à-dire la transformation spirituelle de l'homme, je dis quelque part, la construction d'une cité des âmes pures, enfin un modèle platonicien, si vous voulez, eh bien tout cela a sombré au profit de ce que nous entendions au début de l'émission. C'est-à-dire au profit d'un État islamique comme il y en a ailleurs, en Arabie Saoudite, au Pakistan, ailleurs, etc. C'est-à-dire quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc, ce texte de Corbin résonne encore plus tragiquement dans nos esprits. Aujourd'hui, nous ne voulons rien savoir des philosophes de l'Iran parce que quelque chose nous en sépare, qui est très brutal, qui s'appelle la politique islamique et ses effets. Alors qu'on soit pour elle, contre elle, qu'on en soit victime ou qu'on en soit complice, De toutes les manières, ce qui fait triompher les choses, c'est la politique. Et de toute façon, dès le départ, parce qu'on parlait de Sœur Havardi, donc au XIIe siècle, la naissance de cette pensée se trouve dans un grand lieu de résistance, mais compris à l'époque contre les envahisseurs musulmans. Il se situe dans les montagnes iraniennes au nord-ouest du pays, qui sont vraiment le lieu de dissidence philosophique, spirituelle, mais aussi politique. Oui, les choses vont. On n'est pas dans le mysticisme abstrait, non, méditatif. Là. Non. Si l'on prenait encore d'autres exemples, par exemple les philosophes, alors eux s'exprimant directement, souvent en persan, de l'ismaélisme, qui sont eux-mêmes néoplatoniciens, mais également d'autres, ils sont liés à des mouvements insurrectionnels qui n'ont pas cessé depuis le début de l'islam. Mais ces mouvements insurrectionnels sont souvent des mouvements mystiques, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, il y a aussi, comment vous dire, il y a aussi l'idée permanente chez ces penseurs d'une transformation de la religion en une spiritualité ou en une sagesse. Et là, ils se sont toujours heurtés à ce à quoi ils se heurtent encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam légalitaire, littéraliste et prônant une adhésion aveugle. Et quand même, Sœur Havardi, puisqu'on en parle maintenant depuis une demi-heure, a été liquidé par Saladin, et pas d'autre mot. Qui est Saladin? Saladin, le grand conquérant. Et bien, Saladin, pour des raisons manifestement politiques, mais aussi religieuses, a ordonné à son fils, Malek Zahir, qui était à Alep, et qui était sous l'influence de Sœur Havardi, qui recherchait une sorte d'influence sur les princes, eh bien, de le faire exécuter, parce que tout ce qu'on entend là desservait d'une certaine façon la cause théologico-politique, surtout dans le contexte des croisades. J'ai consacré ma vie, ma jeunesse et toutes mes forces à l'apprentissage de la théosophie divine. J'ai lu, autant que je pouvais, les œuvres des sages et des auteurs vertueux pour connaître et apprendre leurs intuitions, leurs opinions et leurs enseignements. J'ai étudié les œuvres des grands maîtres grecs, chapitre par chapitre. Cependant, de nombreux obstacles se sont dressés devant moi et m'ont empêché d'exprimer mes convictions. Les jours ont passé, les uns après les autres, sans que je puisse réussir dans la mission qui était la mienne. Je voyais que les gens n'avaient pas la force de comprendre et que leurs yeux restaient aveugles à la lumière de la sagesse et au secret de la connaissance. Leur inimitié et leur hostilité, ma déception et mon désenchantement, m'ont conduite enfin à l'isolement. Avec un cœur brisé, j'ai donc décidé de me contraindre à l'isolement dans un lieu lointain, de rester ignoré et de demeurer incognito. J'ai suivi ainsi la leçon de mon maître, de mon ami et de mon confident, le vénéré imam Ali, le premier imam, le père des imams, le maître des martyrs et des pieux vertueux. Dissimuler mes convictions. Christian Jambet, qui est Mollah Sadra, dont je viens de lire un texte qui décide de s'isoler pour dissimuler ses convictions afin de rester en vie? Oui, il a écrit souvent d'ailleurs de telles choses. Et il prend comme modèle, vous avez bien vu, entendu, l'imam Ali. Oui. Il dit ailleurs d'ailleurs que ce qu'il y a de grand chez les imams qu'il révère, c'est-à-dire la famille du prophète et les descendants de la famille du prophète qui ont toute l'autorité pour des chiites, puisqu'il est chiite, lui... Mollah Sadra, s'il dit tout cela, s'il prend comme exemple, il le dit souvent, c'est parce que ces imams sont plus grands encore quand ils sont privés du pouvoir politique par la persécution et qu'ils demeurent alors des enseignants que lorsque, de manière fugace, Ali a eu le pouvoir, calife, avant qu'il soit assassiné. Et là, on est au XVIe siècle, Mollah Sadra. On est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, probablement c'est des textes de 1615-1630. Oh oui, bien plus tard. Et à Ispahan, il est, mais dans le cadre d'un État, d'un État qui est l'État safavide, qui fait face aux Ottomans, d'un côté, à d'autres principautés, à d'autres pouvoirs du côté de l'Inde et de l'Afghanistan. Mais ceux à qui il pense et qui le contraignent à dissimuler sa pensée, ce sont des confrères, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire des docteurs de la loi, des savants, mais qui ont fait un autre choix que le sien. Et en particulier un autre choix que celui de la philosophie. Alors, sans entrer dans le détail, il y aura effectivement un conflit entre théosophes, comme dirait Corbin, philosophes, gnostiques, sages, d'un côté, et des gens qui construisent une religion d'État, avec tout ce que ça suppose, d'ailleurs aussi, d'ailleurs, de grandeur intellectuelle. Hein. Mais il parle sans cesse de son époque comme d'une époque d'obscurité, voire d'obscurantisme, ce qui est un peu paradoxal, puisque désormais, le chiisme est religion d'État. Eh bien, je crois qu'il construit une figure du sage comme étranger, d'abord étranger par son souci, hein, il le dit souvent. Le sage ne doit rechercher ni les richesses, ni les honneurs, ni les pouvoirs. Mais étranger aussi aux mœurs de son temps, il est foncièrement je dirais pas un exclu, mais quelqu'un qui est voué à la retraite. La vie de retraite, la vie de solitude est favorable au sage. Alors ce qui est amusant, c'est que Molla Sadra obtiendra du gouverneur de la province du Fars une chaire que l'on peut d'ailleurs visiter, une admirable madrasa à Shiraz, où il enseignera dans la deuxième moitié de sa vie. Mais, donc l'isolement est relatif. Oui, parce qu'il y a un jeu avec le prince, bien sûr. Hein, mais en même temps, il y a une grande sincérité là, parce que il entend par là qu'il y a une solitude inévitable du sage sous la persécution des ignorants. Et on peut dire les choses en un mot, il construit une religion des savants, des sages, qui est en but à la religion des ignorants. Une religion, vous voulez dire plus qu'une philosophie, une religion. Oui, c'est parce que la philosophie, dans un cadre musulman, la philosophie apparaît non pas comme concurrente de la religion, mais comme proposant une herméneutique de la religion, une interprétation de la religion. Or, cette interprétation, cette herméneutique de la religion est une religion, mais une religion ésotérique, c'est-à-dire non pas un ensemble de prescriptions légales, que d'ailleurs jamais Molla Sadra ne remettra en question. Il ne s'agit pas de remettre en question le pèlerinage, la prière ou l'aumône, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de substituer une vraie foi à une foi imaginaire qui est celle du commun, du vulgaire. Et de fait, quand on lit les traités de ces philosophes, on s'aperçoit qu'il y a tout de même un monde entre la représentation qu'ils se font du principe divin, par exemple, ou la représentation qu'ils se font du salut, du vrai salut, et ce que croit la foi du charbonnier, si vous voulez. Mais ça, c'est encore un élément qui nous éloigne de ces pensées, parce qu'aujourd'hui, on distingue complètement philosophie et religion, philosophie et foi. Oui, on les oppose absolument. Même. Mais si l'on entend, par exemple, le mot foi au sens de Molla Sadra, c'est-à-dire qu'il dit la foi, c'est la connaissance. Alors évidemment, on remplace immédiatement le mot foi par le mot connaissance, c'est-à-dire connaissance exacte, connaissance réelle, connaissance intelligible et rationnelle. Eh bien, on comprend qu'il ait envie de se cacher, parce que il a écrit un commentaire coranique immense, d'ailleurs, très beau commentaire coranique, mais il donne au verset coranique une signification spirituelle, et non pas, il ne s'en tient pas au sens littéral. De temps en temps, il s'en tient au sens littéral parce que c'est raisonnable. Mais la plupart du temps, il faut interpréter le livre. Il l'a dit souvent, le livre saint ne suffit pas. Il va même jusqu'à dire que les propos des imams ne suffisent pas. Le philosophe est indispensable pour cette interprétation. Bah, on va prendre un exemple concret. On peut entendre un verset du Coran. Alors, vous le citez, 24e sourate, 35e verset. Le texte est très court. On l'écoute et puis vous nous dites ce que Molla Sadra en dit. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Alors Christian Jambé, j'aurais aimé qu'une caméra vous filme en écoutant ce verset du Coran, tellement vous leviez les bras vers le ciel en secouant la tête. Quelle est cette traduction? Je ne sais pas quelle est la traduction de ce passage du Coran. Peu importe. Ah, c'est la traduction qui vous exaspérait. Ah, oui, absolument. Oui. Bon, et sur le fond, on retrouve la lumière. Non, d'abord, la parce lampe, que et voilà, l'oriental et l'occidental. Qu'on cesse de traduire Allah par Allah, c'est Dieu, et puis c'est tout. Ça va bien, si vous voulez. Non, mais il y a une manie pseudo-orientalisante qui est. Non, Allah se traduit par Dieu. Voilà. Bon. Et deuxièmement, il y a bien des choses qu'on pourrait redire, mais je ne vais pas dire le détail de tout ce que... Non, mais c'est intéressant, cette question de la traduction, parce que ça, là encore, c'était un autre obstacle. Ton, c'est le ton qui ne va pas. C'est le ton qui ne va pas. Le texte a été commenté par un très grand nombre, d'abord d'exégètes, et ensuite de philosophes. Ce qui est important dans cette affaire, c'est la notion d'image. C'est la notion d'image, et non seulement d'image, mais de symbole, mais image. Image de Dieu, c'est cette lumière. Cette lumière qui est dans une lampe, etc., etc. Bon. Avec tous les symboles autour de la lampe, en combustible, ensuite une huile, c'est l'huile qui brûle sans que le feu même ne la touche, qui prend feu. Un olive, bon, très bien, l'olivier. Un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Voilà, ça va. Mais ni oriental ni occidental. Évidemment, c'est incompréhensible. Et donc, nos auteurs essayent de donner un sens à ce qui apparemment n'en a pas, ou en tout cas, un sens opaque. Alors, il y a eu des explications et des exégèses. On en a chez Avicenne, on en a chez Razali, on en a bien sûr chez Sohrawardi, on en a bien entendu dans l'école d'Ibn Arabi, et Molla Sadra les a reprises, mais lui-même n'est pas la fin de ce mouvement exégétique. Il y a après Molla Sadra d'autres penseurs, par exemple Qazi Saïd Koumi a fait un très beau commentaire du verset de la lumière. Il s'agit, non pas de façon arbitraire, mais de manière herméneutique convaincante, de montrer comment la lumière divine a besoin d'une image et quelle est cette image. C'est un des rares versets où Dieu dit lui-même qu'il a une image et qu'il parle sous forme de parabole, si l'on veut, ou de symbole, qu'il donne des symboles. Et donc c'est un verset dont la signification ultime est qu'il est légitime d'interpréter le livre. Car le verset dit au fond simplement cela, je parle par image, allez-y pour comprendre mes images. Je ne suis pas si inaccessible que cela. J'apparais, c'est l'importance de l'apparition pour Molla Sadra. Un mode d'apparition. Alors évidemment, après, par exemple pour Molla Sadra, cette image de la lumière divine, ce sera l'homme parfait. C'est l'homme parfait. Alors l'homme parfait, c'est le saint, c'est l'imam, c'est l'homme dans sa perfection spirituelle accomplie. Et donc l'homme parfait devient la médiation qui conduit vers Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui le dit dans son verset. Mais il y a d'autres interprétations. Il y a évidemment des interprétations sur lesquelles cette image, c'est l'intellect, etc., etc. Voilà. David Pargamin, une autre question. Alors vous avez répondu, j'allais vous demander pourquoi ce verset. Mais ce verset, c'est une image, c'est une explication du rapport entre Dieu et les hommes. Enfin, je veux dire, quand ces philosophes se retrouvent devant ce verset, par où ils commencent et par où commencer? Il y a des textes des autres, j'imagine. Oui. Mais qui décidera en dernière instance, en quelque Mais sorte, personne. Du sens? C'est ça qui est intéressant, personne. Je reprends, si vous voulez, ici une idée qui a été formulée très bien par Pierre Hadot à propos de la philosophie antique et peut-être de la philosophie tout court jusqu'au XVIe siècle. Il dit « la philosophie est exégétique ». Ce qui veut dire que non seulement on reprend les prédécesseurs, mais pas simplement pour les accumuler et les citer, mais pour interpréter sans cesse. Interpréter sans cesse. Et soi-même, on interprète en faisant que le texte vive pour soi-même. Par exemple, si on tombe à la fin sur lumière, lumière sur lumière. Donc il y a deux lumières. Lesquelles sont-elles? Est-ce que c'est la lumière de l'intellect, la lumière de l'âme? Est-ce que c'est autre chose? Il y a une décision herméneutique. Mais cette décision herméneutique n'est pas définitive. Parce que par définition, toute histoire herméneutique de la philosophie est une histoire ouverte. Et donc moi, ce qui me frappe justement chez ces penseurs disparants, c'est qu'ils se reprennent les uns les autres, non pas pour se répéter, mais comme, si vous voulez, autant de variations sur un thème. Le verset de la lumière, c'est un thème. Et puis alors, il y a des variations au sens musical du terme sur ce thème. Et c'est ça la forme de la liberté de penser. Donc c'est pas une philosophie comme on la connaît aujourd'hui, et c'est bien normal d'ailleurs qu'elle soit comme elle est aujourd'hui. Une philosophie où le philosophe part de sa propre démarche pour produire des thèses sur la réalité. Non, c'est une philosophie qui se veut constamment exégétique. Ce sont des exégèses d'exégèses. Moi, j'ai toujours comparé ça à la fabrication d'un tapis. Ce sont des thématiques. Pour rester en Iran. Voilà. Mais absolument, c'est l'art de la tapisserie. Alors, un dernier mot, Christian Jambès, qu'on arrive au terme de l'entretien. Savez-vous qu'une rumeur court à votre sujet, ainsi qu'à celle d'Henri Corbin, une rumeur qui dirait que vous seriez converti au soufisme? Qu'en est-il? Ah non, mais c'est dans le cas d'Henri Corbin, alors je réponds et pour l'un et pour l'autre, oui, que c'est entièrement faux. D'abord, factuellement faux, Henri Corbin est mort chrétien protestant. La cérémonie a eu lieu au temple sous l'égide du regretté pasteur Stoffer, qui était directeur d'études à l'Académie des hautes études. Et quant à moi, je suis tout sauf musulman et soufi. Donc, je suis philosophe, et après ça, je n'ai pas exhibé mes papiers pour le reste. Non, c'est à la fois... Mais en même temps, il y a quelquefois de la malveillance. Aujourd'hui, dire que quelqu'un est musulman ou même soufi, c'est l'accuser de partialité envers son objet, et y compris de partialité politique. Quand Corbin était représenté comme adhérent au chiisme, au soufisme, c'était pour... tirer une mauvaise conséquence de quelque chose de vrai, qui est la sympathie pour l'objet. Et ça, moi, je la revendique aussi. Je suis son élève, et je suis son élève aussi sur ce plan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ces philosophes si, je ne dis pas on adhère, ça, je n'adhère pas, mais si on n'a pas un sympathein, une passion commune avec ces penseurs. Merci beaucoup Christian Jambès d'être venu à ce micro nous parler de philosophie et d'Iran aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Qu'est-ce que la philosophie islamique ?» par exemple chez Gallimard, ou bien « Le gouvernement divin, islam et conception politique du monde » aux éditions du CNRS. Et enfin, des textes de Moula Sadra qu'on trouve aux éditions Albin Michel, « La fin de toute chose » et « L'épître du rassemblement ». Sur France Culture, les chemins de la philosophie, quittons l'Iran pour retrouver le studio de Radio France dans lequel vient de s'installer Géraldine Mosne-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui? Bien, il y a une semaine, j'évoquais les discours des prix Nobel de littérature comme autant de morceaux de philosophie de l'art. Aujourd'hui, c'est encore de philosophie de l'art dont je vais vous parler, mais à l'occasion de la parution du recueil de courts écrits sur l'art de Georges Bataille. Écrire sur l'art, le projet semble vaste, voire impossible, et oui, cela déjà a-t-il un sens de parler de l'art en général? Ne faut-il pas plutôt parler des œuvres d'art? Et voici que revient cette classique question de philosophie. Entre exigence du concept qui unifie et réalité multiple des arts et des œuvres, comment faire? Je voudrais commencer par un exemple assez pertinent où l'efficacité n'est pas douteuse. À vrai dire, ce n'est pas un exemple classique lorsque l'on parle de l'art, parce que la trompette guerrière, dont j'aimerais vous parler, passe pour être au moins très vulgaire, mais qu'est-ce que cela signifie? Peut-être c'est que c'est la forme d'art la plus accessible aux hommes les plus simples. Il faut justement quelqu'un comme Georges Bataille pour trancher cet éternel dilemme de l'art, des arts et des œuvres. Quelqu'un comme lui, oui, capable de parler d'art en partant d'un exemple aussi simple que celui de la trompette guerrière. Et c'est bien ce que l'on découvre à travers ses courts écrits sur l'art qui sont autant d'exemples pris. Il ne parle pas d'art comme ça, abstraitement, en l'air, mais toujours à travers des exemples, Van Gogh, Hemingway ou Goya. Comme le rappelle Georges Idi Huberman qui signe la préface de ce recueil, Bataille n'écrit donc pas sur l'art, comme en surplomb et pour embrasser d'un coup l'art en entier, mais depuis les œuvres. Mais quand on n'est pas artiste, quand on n'est pas Van Gogh ou Hemingway, que dire depuis les œuvres d'art ? Que dire quand on n'est pas non plus critique, que l'on n'a pas prétention à produire un jugement de spécialiste ? Plus que le statut de Bataille pour parler d'art, c'est celui de spectateur qui se pose ici. Et c'est la question d'ailleurs que l'on se pose tout quand on regarde une œuvre d'art, qu'en dire et à quel titre ? Un chien qui disparaît dans un trou plein de ronces, rien que de banal. Mais ce jour de septembre 1940, voici 8 ans, devait être le départ d'une des plus extraordinaires aventures. L'ayant vu disparaître, quelques jeunes gens, ses maîtres, partirent à sa recherche. Et ce fut la découverte du plus vaste et du plus complet musée de l'art des premiers hommes. Mais jamais on n'avait trouvé pareille réunion de chefs-d'œuvre aussi purs et aussi frais qu'au premier jour. Tracé, voici quelques 30 000 ans d'une main savante qui connaît l'anatomie animale, touché de plusieurs couleurs dans une harmonie polychrome habile, plus de 100 peintures et gravures dont les dimensions oscillent de 30 cm à 5 mètres, rappellent ici que nos lointains devanciers n'étaient pas que de pauvres êtres seulement aux prises avec les besoins élémentaires. On doit à Bataille un des seuls textes sur l'art préhistorique et les grottes de Lascaux. 10 ans après leur découverte, en 1953, il écrit un texte que l'on peut ici découvrir où il pose précisément cette question de la place du spectateur devant ses peintures. Où se situe-t-il ? Ni critique, ni philosophe, ni artiste, le spectateur se retrouve dans ses grottes, un peu déçu, un peu impressionné, mais surtout paralysé. Que dire de ces peintures d'hommes qui nous ressemblent à des milliers d'années près ? Bataille a en fait très bien saisi ce sentiment qui naît dans l'œil du spectateur. Lascaux n'est pas que la naissance de l'art, c'est la naissance du sentiment esthétique en chacun, flou et imprécis. Sentiment esthétique qui ne doit rien au plaisir, ni à la théorie, ni à l'utilité, mais qui se contente de lui-même et se déploie au fur et à mesure de l'œuvre contemplée ou même créée sous ses yeux. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tache l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Drôle d'aventure que la création, selon Picasso, par Picasso, mais aussi la contemplation d'une de ses œuvres. Car si parler d'art n'a pas de sens en tant que tel, parler de son regard subjectif, de son sentiment à soi face à une œuvre n'en a peut-être pas pour les autres, sauf à voir dans ce regard et dans ce sentiment, non pas forcément quelque chose qui se communique, je pense là au jugement esthétique de Kant, mais quelque chose de nous tous. Bataille décelait ainsi dans l'architecture la physionomie d'un peuple, dans les musées le reflet extatique de l'homme, dans une façade un sourire humain, dans les bas-reliefs mayas le sang du sacrifice. Le trait commun à tous ces courts écrits sur l'art, comme à toutes les œuvres d'art peut-être, c'est qu'on peut y voir quelque chose de nous, et ce quelque chose de nous, c'est à lire Bataille les figures défigurées de l'humanité. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à David Pargamin, ici présent, d'avoir préparé cette émission, d'avoir posé quelques questions à Christian Jambet, à Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Louis Servet, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Clément Dattel à la prise de son, Yvan Morane à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur les philosophies d'Iran. Demain, ce sera Lélie Anvar qui viendra s'interroger et vous parler de la poésie amoureuse. Est-elle ou non une anti-philosophie ? Pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette série, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne, tout télécharger pour une durée illimitée afin de réécouter l'émission à l'endroit et à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, il est 11h. Restez à l'écoute sur France Culture.